Vous habitez à Créteil ? Oui, j'habite à Créteil. Vous êtes cristolienne depuis combien de temps ? Ça fait moins d'un an. Ça fait moins d'un an.